Audiomatique. Audiomatique en est ce soir à sa transmission 093 et elle débutait avec le projet français Spies, mené par Oleg Spies, renommé entre autres pour la composition de musique de films. Il nous offrait la pièce Dust Reality, tirée de son album Notenism, paru en 2000. Son, collage, rythme. Abstraction, expérimentation, euphonie. Les artistes présentés à Audiomatique s'efforcent de trouver un angle créatif pour chaque composition électronique qu'ils offrent à leurs auditeurs. Du son au rythme, de l'abstraction à l'euphonie. L'utilisation de l'entité sonore comme abstraction se transforme en collage expérimental, mais la rythmique des sons permet l'euphonie. La dissonance peut ainsi devenir cohérence, même si dans la cohérence se glisse l'abstraction. Certains artistes utilisent à bon escient ces concepts pour créer une musique électronique qui allie expérimentation abstraite et euphonie. Et parmi ces artistes, il y a Rob Brown et Scene Booth qui forment le duo britannique Othaker. De leur toute nouvelle parution LSEC 125, nous entendons à l'instant la pièce Latent Call. We'll be right back. Thank you. Cette séquence musicale composée d'une seule longue pièce de 14 minutes 31 secondes était le fait de la formation Oathacre. La pièce que nous avons écoutée, soit Latent Call, se retrouve sur la nouvelle parution d'Oathacre intitulée Hellsec 1 to 5, disponible uniquement en numérique. Un support qui est par ailleurs tout indiqué dans le contexte où cet album propose à l'auditeur environ 4 heures de musique. Audiomatique se poursuit maintenant avec une trame sonore publicitaire. C'est fou! 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à cifou.ca. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à cifou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Après cette interruption publicitaire, nous poursuivons notre lancée musicale à Audiomatique avec le projet britannique Seaben. We'll be right back. À Audiomatique, nous avions droit à la longue pièce « The Other Side of the River », interprétée par le projet Sea Ben, qui est l'incarnation du violoniste Matt Howden, qui crée ses compositions en s'enregistrant en direct et en superposant des boucles sonores. Donc, malgré que la majorité de son instrumentation soit organique, le procédé qu'il utilise est très électronique par sa nature. Et la pièce que l'on entendait se retrouve sur son album « The Old Magic ». En 1990, les artistes canadiens Bill Lead, Kevin Key et le regretté Dwayne Gottel ont formé le groupe Cyberactive, dont la musique puise ses sources dans les projets auxquels ceux-ci étaient respectivement associés, soit Frontline Assembly pour Bill Lead et Skinny Poppy pour Kevin Key et Dwayne Gottel. Ils ont produit un seul album sous Cyberactive, soit Tenebria Vision, ainsi que deux singles, dont Nothing Stays. C'est d'ailleurs l'extended remix de cette pièce que nous écoutons dès maintenant. La séquence se terminait sur la musique de Mentallo and the Fixer, un duo de musique électro-industrielle ayant fait sa marque principalement dans les années 90. De l'album Burnt Beyond Recognition, paru en 1997, nous entendions la pièce Other World Technology. Et avant Mentallo and the Fixer, c'était la formation Cyberactive et une version allongée de la pièce Nothing Stays qu'on retrouve sur le single du même nom. Pour conclure cette émission d'Audiomatique, les électronistes continuent d'explorer le passé. En effet, nous vous présentons un extrait du seul album du duo Propeller Heads, soit la pièce Velvet Pants, tirée de l'album Decks and Drums and Rock'n'Roll, lancé en 1998. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié cette transmission d'Audiomatique et ils vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour vous proposer leur transmission 094. D'ici là, n'hésitez surtout pas à découvrir notre profil facebook.com/audiomatique-cfou où vous aurez accès à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc notre dernière proposition de la soirée, soit Propeller Heads et leur pièce Velvet Pants. À la semaine prochaine. What's different, Pete, about the 69 that makes it so exciting to you? 2,000 people in a seething, roaring, shouting mass. All the people I know are musicians. I revolve around music. That's all I know. They've each got their own little thing that they like. With parents. That's all he talks about. He's wearing velvet pants. He's got a nice body. He's wearing velvet pants. It's groovy, I guess.